bord de ce navire. Loin des fils dont on m'a lesté. Les plus grands des brigands sont au service de sa majesté. Nique sa garde royale, il se la voile, je m'arrache. Elle veut m'avoir et elle m'entraînera dans sa grave noyade. Mes gars font l'oraison du littoral, ils ont raison. À l'horizon, on est hors des eaux territoriales. Mais qu'en lisant les cartes, moi chante. Mes compliments, vous avez fait du continent une plage marchande. On peut pas le nier, on croise des baleiniers. Si j'ai peur, je ferai quelques miles avec le si j'ai peur. Et yo, répien des blazes à rajouter. On bouge hors des marées noires et loin des plages maritées. Un espèce de fou navigue vos corsaires. Désespère, j'ai le respect des espèces sous-marines. J'ai plus rien à perdre, je recommence là où nul. Nos pays cousins, personne commande. Attends m'amène, j'ai pas fini. Car ici la liberté des autres étant la mienne à l'infini. Sur les terres t'as vu, j'débarque. On écrira qu'un équipage solidaire est invulnérable. L'empereur, on périsit, on tourne en dérision. Les plus grands défilent entre eux. Puis quand je dévie entre le large et les côtes, je vois le mépris des autres. Que les puissants dès qu'ils ont peur. Mais t'inquiète si je parle plus trop. C'est que j'en avais marre de mater ma vie passée par le hublot. T'en as qu'une, je te rappelle. File à loin des hommes, de ces normes, des énormes tentacules du kraken. Les capitaines mettent du son fort pour ne pas entendre les sirènes du capital et son confort. Qu'on sorte la tête de l'eau. Pour eux, c'est pas très bon. Je coule ton industrie. Mon rap n'est pas une cargaison. Je revois ma vie sans remonter le temps. Et moussaillons comment détourner un navire sans monter dedans. Camarade, laisse une seconde ton désespoir et viens sur le pont car le vieux monde est derrière toi. C'est un matin que l'on partira. Certains marins n'en reviendront pas. Pirater le bateau mais déçu j'attends de voir la dépouille du roi flotter au-dessus de la grande voile. C'est un matin que l'on partira. Certains marins n'en reviendront pas. Pirater le bateau mais déçu j'attends de voir la dépouille du roi flotter au-dessus de la grande voile. On quitte ce bout de poudre, écoute, cause des couples de tous les bords, un bout de route, on prend la barre à tour de rôle. T'as pas idée, ça partage le butin entre hommes et femmes. D'égalité salariale. À part ça, larguer les amarres, je me déplace au gré du vent. L'impartialité du hasard, on s'nachave. Loin des villes et de ces villes, matelots. Pas de trésor, seul le service vaut mille joyaux. Faut qu'on m'écarte des côtes, je craque. Je suis un pirate du lac Clément. Un peu comme mes gardes de faute de frappe. Faut que je rappe, c'est mon sauvetage, ma poésie. Donc Poséidon de sauvegarde. Nous on n'est pas du genre à conjurer. On proteste, je te promets qu'on progresse. Grâce aux efforts conjugués, consumés. Par cette même conviction, la bataille droit de manifester. Mais sous certaines conditions. C'est un matin que l'on partira. Certains marins n'en reviendront pas. Pirater le